Le premier ministre coréen Park Bong-joo s'est renseigné sur la condition et l'environnement éducatif de l'université Songun du Goryeo. Grâce au noble idéal patriotique des grands leaders pour faire briller dans le monde l'héritage éducatif et culturel de longue date de la nation coréenne, l'université Songun du Goryeo est devenue le centre de formation des techniciens du domaine de l'industrie légère. Le premier ministre coréen s'est informé en détail de l'état de construction, du système et de l'environnement éducatif de cette université. À la réunion consultative des cadres intéressés tenue sur place, on a souligné que l'intensification des bases matérielles et techniques de l'université est importante pour appliquer les recommandations des grands leaders. Par ailleurs, il s'est enquis de l'état de l'agriculture de la ville de Kaesong et de l'arrondissement de Changpon et a pris des mesures nécessaires. En visitant le complexe sidérurgique de Fanghe, il a souligné d'accélérer la production de matériaux en fer et en acier.